Yeah. Tu voulais voir l'autre, je suis toujours partant pour la course. J'ai fait du NB, on a tous faim, personne ne le nie. La douleur au parapluie, pour les murs. La porte sourit au bout du chemin. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il a, lui? Mon espérance de vivre, pour voir mon sourire. Mon espérance de vivre, pour voir mon sourire. Oh, tu voulais voir l'eau, je suis toujours partant pour la course. J'ai fait plus un douce, on a tous faim, la personne ne lit. La douleur nous frappe, on dit pour l'ennemi, pour l'ennemi. J'ai demi, la porte sourit, au bout du chemin. Qu'est-ce qu'elle a lui, mon espérance de vivre, pour moi mon sourire. Comment si. Tu laisses une trace sur la scène, tu tombes. Les secrets plus lourds que les tombes. On tombe tous un jour ou l'autre. Mon pote arrose ta plante, une fleur fanée, c'est con. Si des portes de monde que l'on donne bien à la récompense. On est juste en France, patience, la délinquance, paye ses vacances. Paye. C'est par la braque, claque, on tourne tous un peu autour du mérite. Du seuil de pauvreté, folie. Guerrière oblige, on vise de plus en plus haut. Sommes sous le chapeau, mort sur le drapeau. Peu de terrain, c'est bien décidé à pas se laisser aller. On freine peu quand le jeu devient réaliste. Quand on m'a mis sur liste, la reine s'en trouve, faisant lui rendre visite. J'suis dans le pot de sang lui-même, n'est plus une récompense. On danse devant les pharaons, debout sur le trône, seront les héros. On vandalise tes rêves, tu crèves avant que tu arrives. Je crie l'intolérance du hood, fracasse les coudes de ces messieurs. Une folie infantile, sous-estimer mon sang. On se retrouve trop souvent dans l'or. Quand c'est hardcore, ça plaît, on voit plus la valeur du péché. Faut se dépêcher, malmené car salarié, non employé. Ayant trop d'amour pour la monnaie, tu nous connais. Ce qui nous tente finit par nous mettre à terre. Blessure involontaire, tu flippes, t'éclipses, croyant que c'est la guerre. Reste tout pis, face à ton autre joueur. Tu vas apprendre la douleur. On a un cœur en plus, on était contre de nos échecs, de nos réussites. On fuit très peu car tout est de la logique. On se doit tenir nos maîtres, que l'on de ses chiens avant qu'on se taille. Tu veux de la maille car la loi est trop sale. L'environnement nous prospère, ainsi ça passe les frontières. De la campagne, le siège, on siège, en bas des terres. Au fond, on s'en fout.